professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi la bénédiction sacerdotale qui ne fait que quelques versets est-elle importante? Quel rôle jouent les amulettes auprès des vivants et auprès des morts? Pourquoi le peuple se rebelle et attaque toutes sortes de chefs? Demande Thomas Römer. Pourquoi la complainte de Moïse? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, enseignant-chercheur d'origine allemande, qui se partage entre la France et la Suisse et qui a été doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, nous entraîne dans une grande enquête au cœur du livre des Nombres, dans le Pentateuch, un livre un peu déroutant, nous dit-il, mais intéressant, dans le cadre de sa série intitulée « Israël dans le désert, le livre des Nombres et l'achèvement de la Torah ». Dans son ouvrage « L'invention de Dieu » publié au Seuil, le philologue exégète rappelle, et je le cite, « Les différents textes bibliques ont vu le jour dans des contextes historiques auxquels ils réagissent, tout en pouvant garder la mémoire de traditions plus anciennes. Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que les histoires de patriarches, de la sortie d'Égypte et de la conquête du pays, ainsi que de l'époque des juges, ne reflètent pas des périodes successives et datables. Il s'agit au contraire de légendes ou de mythes d'origine qui, après coup, furent arrangés selon un ordre chronologique. Pour reconstruire toute l'histoire d'Israël et de Juda, il faut utiliser toutes les données que nous avons à disposition, à commencer par les données archéologiques. L'archéologie du Levant ayant fait d'énormes progrès ces 50 dernières années. Avant de nous présenter les curieux textes de la rébellion des Hébreux dans le désert face à Yahvé, Thomas Römer confronte aujourd'hui les hypothèses tirées de l'analyse de la bénédiction sacerdotale, texte au rythme précis que l'on peut mémoriser, qui comporte des aspects anthropomorphiques et qui a pu se transmettre de manière orale et indépendante face aux amulettes trouvées dans des tombeaux près de Jérusalem, avec le nom gravé du propriétaire dessus et leur présence au tombeau, ces amulettes devaient protéger pendant la vie, mais aussi après la mort. Ces textes performatifs sont-ils les premières attestations extra-bibliques matérielles d'une confession de foi envers Yahvé qui protège et qui bénit? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 23 mars 2017 pour la série de Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui le livre des Nombres, la bénédiction sacerdotale chapitre 6 et les amulettes de Kethef Inom. Avant d'arriver aux histoires de rébellion, je voudrais quand même vous présenter un petit texte qui est un texte très important, bien qu'il n'a que quelques versets. C'est le texte de la bénédiction sacerdotale. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent parce qu'on l'utilise encore aujourd'hui dans les synagogues, dans les églises. Mais c'est un texte qui est important, pas seulement à cause de ça, mais parce qu'on a fait une découverte archéologique qui fait de ce texte sans doute le premier texte dont on a un exemple en dehors de la Bible, un exemple plus ancien que les textes de Qumran. Donc, cette découverte a été faite en 1979 à Kethef Inom. C'est une colline après sa descente. Kethef Inom veut dire simplement l'épaule de Inom, donc une colline qui domine la vallée de Inom. Et donc, dans cette vallée, on a trouvé en fait un texte, ou deux textes, des rouleaux en argent, qui contient donc le texte du livre des Nombres 6, 22 à 27. Donc, je vais vous présenter d'abord ce texte, tel qu'on le trouve dans la Bible. Yahvé parla à Moïse, parla à Aaron et à ses fils. Ainsi vous bénirez les fils d'Israël, dites-leur que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse briller sa face en ta direction, qu'il te fasse grâce, que Yahvé porte sa face en ta direction et qu'il place sur toi la paix, shalom. Donc vous savez que c'est plus vaste que simplement la paix. Et ils poseront mon nom sur les fils d'Israël et moi, je les bénirai. Voilà un texte qui a une petite différence dans la version grecque. Dans la Septante, on trouve le verset 27 directement avec le verset 20, après le verset 23. « Parle à Aaron et à ses fils, ainsi vous bénirez les fils d'Israël, dites-leur, et ils poseront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, le Seigneur, je le bénirai. » Et après, ça continue, « Puisse le Seigneur te bénir et te garder. » C'est un peu curieux, parce que ça interrompt en fait la suite logique. Comme on peut l'expliquer, peut-être en faisant attention à une remarque de la Mishnah, donc un commentaire sur les textes bibliques, où il est dit que la bénédiction sacerdotale ne doit pas être traduite. Elle doit seulement être transmise en hébreu. Alors on peut imaginer peut-être qu'au début, lorsqu'on a traduit la Septante, on n'a peut-être pas traduit la bénédiction sacerdotale, on l'a peut-être laissée en hébreu, hein, ou translittérée. Et après, suite à des pressions, alors, des autorités grecques ou d'autres, on peut imaginer qu'on a quand même traduit ensuite le texte, mais du coup, on a laissé ensemble l'encadrement qui était déjà traduit, et ensuite, on a mis le texte de la bénédiction, ce qui est une possibilité. Donc, ça expliquerait au moins pourquoi, dans la Septante, la conclusion se trouve en fait en ouverture. Alors, ces textes dans la Bible se trouvent donc à la fin des chapitres 5 et 6. Vous vous souvenez, le chapitre 5, on avait parlé longtemps du rituel de la femme adultère, où la question, c'était donc la pureté et l'impureté, remédier à l'impureté du camp des personnes. Et ensuite, il y a la loi sur le nazir. Le nazir, en fait, qui était aussi une personne mise à part, une personne consacrée, qui a en effet un statut spécifique. Et la bénédiction, en fait, suit cette loi sur le nazir. Pourquoi ? Peut-être à cause du fait que dans la Bible, nous avons deux grandes bénédictions qui encadrent le Pentateuque. À la fin de la Genèse, vous avez la bénédiction de Jacob sur ses 12 fils, et à la fin du Deutéronome, un peu en réponse, la bénédiction de Moïse sur les 12 tribus, avec en effet beaucoup de parallèles. Et ce qui est très intéressant, que dans les deux cas, en 49 et en Deutéronome 33, chaque fois quand on a une bénédiction qui s'adresse à Joseph, on parle du nazir, de celui qui est consacré parmi ses frères. Donc, que les bénédictions soient sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré, du nazir parmi ses frères, idem, donc, dans le texte de Deutéronome 33. Donc, il est possible que cette association entre Joseph nazir a provoqué, en fait, le placement, donc, de l'insertion de nombres 6, 22 à 27, juste après, en effet, la présentation du nazir. Cette bénédiction est bien un complément, puisque si vous regardez dans le livre du Lévitique, en effet, vous avez une information après l'installation des prêtres par Moïse, il est dit « Élevant alors les mains au-dessus du peuple, Aaron le bénit. » Puis il redescendit et ayant terminé, d'offrir le sacrifice pour le péché, l'Holocauste et les sacrifices de paix. Mais qu'est-ce qu'on manque en Lévitique 9? On n'a pas les paroles de la bénédiction que Aaron est censé avoir dit. Et donc, du coup, un rédacteur ultérieur, à la fin du chapitre 6 du livre des Nombres, a complété cette bénédiction du Lévitique, mais, comme je vous ai déjà dit, il pouvait probablement plus intervenir dans le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique, apparemment, était déjà clos d'une certaine manière, donc il a dû trouver un autre emplacement, et cet emplacement, c'est justement la fin du chapitre 6 du livre des Nombres. Donc ça confirme en fait notre théorie que le livre des Nombres est en effet le dernier livre de la Torah et qu'il réunit en fait des compléments à des textes du Lévitique, de l'Exode aussi et du Deutéronome qu'on ne pouvait plus mettre dans ces livres-là. Donc une autre indication de cette théorie. Alors si on regarde maintenant la structure elle est assez simple. Cette bénédiction est encadrée par la mention des fils d'Israël. Et donc, au début, on a « vous bénirez », donc les prêtres. À la fin, c'est « moi », donc c'est Dieu qui parle, « moi, je bénirai ». Donc ça veut dire, en effet, que d'une certaine manière, le vrai auteur de la bénédiction, c'est bien Yahvé, les prêtres n'étant en fait, d'une certaine manière, que les intermédiaires. Et si vous prenez les trois versets qui donnent le contenu de la bénédiction, vous voyez en effet qu'il y a un accroissement des trois versets. En hébreu, on a d'abord trois mots, après on a cinq mots, après on a sept mots, ou on a d'abord 15, ensuite 20, et à la fin 25 lettres ou consonnes. Le début et la fin du verset 24 et du verset 27 donnent en fait le résumé de toute cette bénédiction, que Yahvé te bénisse et qu'il établisse pour toi shalom, c'est-à-dire le bien-être, la paix. Cela en fait est dit dans un style précis, rythmé, très facile à commémorer. Donc on comprend en effet que ce texte a pu être en effet transmis de manière orale. Ce qu'on observe aussi, c'est que nous avons en effet dans ces versets un style assez anthropomorphique, que Yahvé fasse briller sa face, qu'il porte son regard vers toi, donc très anthropomorphique, qui n'est pas tellement le propre du milieu sacerdotal. D'ailleurs aussi, la racine Hanan, accorder sa grâce, est une expression qu'on ne trouve jamais dans les textes sacerdotaux. Par contre, dans le psaume 66, que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Donc là, c'est une sorte presque de résumé de cette bénédiction, ce qui en fait indique sans doute que c'est une bénédiction qui a été en effet transmise de manière indépendante sur le plan oral, sans doute. Et ça, c'est une idée que la recherche avait depuis très longtemps et qui a été ensuite confirmée par l'archéologie. Ça, c'est la meilleure chose, évidemment, qui peut arriver à des biblistes. S'ils ont une théorie diachronique et tout d'un coup, on fait des découvertes archéologiques qui montrent que c'est vrai. Donc, ça veut dire aussi que les biblistes ne font pas que raconter n'importe quoi. Donc, il y a quand même là, parfois, des possibilités de vérification. Donc, je vous ai déjà parlé brièvement de ces fouilles dans la vallée de Hinnom, donc au sud-ouest de la vieille ville de Jérusalem, où on a trouvé toute une série de tombes qui étaient creusées dans les falaises, donc en 1979. On a commencé un peu avant. Et beaucoup de ces tombes, vous pouvez les visiter aujourd'hui. Et la tombe la plus intéressante, c'était la tombe 25. La tombe 25, on a trouvé un banc sur lequel on mettait les cadavres. Donc vous comprenez maintenant aussi l'expression biblique réunir à ses pairs parce que c'était des tombes en fait collectives. On n'était pas seul dans une tombe. Donc d'abord, on était mis sur un banc. Et après, on attendait que le cadavre se décompose. Puis on entrait dans la tombe et puis on ramassait les os et on les mettait dans un dépositoire. Donc comme ça, voilà, c'était assez économique, assez recyclable. Évidemment, ce qui est intéressant, parmi les trouvailles, on a trouvé bien sûr tous ces os, mais on a trouvé aussi une sorte de un millier de petits objets qu'on avait donc mis avec les morts. Des objets de poterie en os, des outils en fer, un œil oujad, c'est en fait un symbole protecteur, l'œil du dieu égyptien Horus. Donc ça montre aussi que on n'était pas seulement focalisé sur Yahvé, il y avait un peu de tout dans ces tombes. Mais la découverte la plus importante, c'était justement ces deux feuilles d'argent. Donc en fait, c'était des amulettes roulées avec des feuilles d'argent qui étaient portées comme des amulettes, donc d'une taille de 9 à 2 et de 4 à 1 cm. Donc il y a une édition de luxe et une édition un peu moins... Voilà, c'est selon en fait les moyens, je pense, des personnes. Donc la datation de ces amulettes, Barkaï, qui était celui qui a fait les fouilles, Gabi Barkaï, il l'avait proposé le 7e siècle avant... l'ère chrétienne. Plus récemment, on a un peu revu à la baisse cette date probablement un peu trop haute. Nadav Naaman et Angelika Berle-Jung donnent plutôt des arguments pour dire que ça pourrait être le 6e ou le 5e siècle, donc peut-être l'époque babylonienne ou début de l'époque perse. D'abord, il y a des arguments d'orthographie qui est typique plutôt des textes qu'on trouve du 6e au 3e siècle. Et puis, sur le plan matériel, Angelika Berle-Jung a fait remarquer que l'argent ou l'or utilisé pour la fabrication d'amulettes existe à l'époque du Nouvel Empire en Égypte, mais durant l'époque de fer, on ne le trouve pas. Ça réapparaît en fait à partir en fait de l'époque perse. Donc, ce qui est un autre argument de datation. Des telles amulettes sont assez répandues, mais le fait qu'on écrit des textes sur des matériaux qu'on roule ensuite pour les mettre dans les petites capsules, pour les porter après autour du cou, ça, c'est apparemment donc d'abord une coutume égyptienne qui est introduit dans le Levant, sans doute par la médiation des Phéniciens. Juste pour vous montrer des exemples, Phéniciens, où vous avez deux mots écrits en alphabet phénicien, que certains appellent le paléo-hébreu, mais c'est l'alphabet phénicien. Vous avez les deux verbes, donc garder, chamar, et protéger, natsar. Donc, quelque chose d'apparemment d'origine égyptienne et introduit par les Phéniciens. Il y a beaucoup de ces amulettes et la plupart des amulettes, en fait, on trouve toujours les mêmes verbes garder, protéger, bénir. Alors, quelle était la fonction de ces amulettes? On les a trouvées, donc, comme je vous ai dit, dans les tombes. Et à cause de cela, beaucoup de spécialistes ont pensé, en fait, que ces amulettes avait été fabriqué pour protéger les morts. Donc c'est quelque chose qu'on aurait en effet fait pour les donner aux morts au moment où ils doivent commencer leur voyage vers Sheol. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la tradition rabbinique, dans un commentaire, dans Sifre Bemidbar, commentaire au nombre. On trouve pour ce texte la remarque « Shalom » est toujours important, même dans la mort, ou encore l'explication de l'expression « qu'il te garde » dans le sens qu'il protège ta nefesh au moment de ta mort. Bon, a priori, c'est assez logique, mais comme le fait remarquer de nouveau Angelika Berle-Jung, sur le bord des rouleaux, on a trouvé des signes d'usure. Des signes d'usure, donc ça veut dire qu'il y a une indication que ces amulettes étaient apparemment portées par leurs propriétaires durant leur vivant. Et donc, ce n'était pas fait seulement pour que lorsque les gens meurent, c'est plutôt donc déjà des amulettes de protection durant la vie des personnes. Et comme vous allez le voir, on trouve aussi sur ces amulettes les noms des propriétaires. Donc, ce qui veut dire, ce sont donc des amulettes spécifiques qui étaient fabriquées donc à la commande, sans doute, et donc non transmissibles, puisqu'ils portaient le nom du propriétaire. Donc, c'est quelque chose donc qui présuppose déjà une clientèle relativement aisée. Je reviendrai tout de suite là-dessus, puisque ces tombes, surtout ce tombe 25, c'est une sorte de tombeau de luxe quand même. Donc, il est du coup plausible que les propriétaires de ces rouleaux faisaient partie de la couche aisée de la population de Jérusalem. Donc on a pensé que peut-être ces amulettes étaient fabriquées dans le deuxième temple de Jérusalem, ce qui est possible, bien que nous n'avons pas d'indication. Mais on peut tout à fait imaginer, comme ça se fait encore jusqu'à aujourd'hui, hein, qu'on vend toutes sortes d'amulettes de protection ou d'autres symboles de piété, de dévotion, dans les sanctuaires qui doivent quand même aussi avoir une certaine activité économique pour garantir leur fonctionnement. Donc je pense que c'est un peu ça déjà. Et il est sans doute aussi possible que ces amulettes-là, c'est en quelque sorte après les précurseurs des téphilines, hein, qui sont utilisés dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, lors de la prière, donc aussi des petites capsules à l'intérieur duquel on trouve donc des morceaux avec tel ou tel texte biblique, qui sont attestés à partir du 3e siècle. Là, on est plutôt au 6e, 5e. Mais c'est peut-être à partir de ce pratique-là que, dans le judaïsme, s'est ensuite donc développée cette pratique qui est encore en vogue jusqu'à aujourd'hui. Bien, maintenant, regardons ces deux amulettes. Ils contiennent cette bénédiction, mais pas seulement. Contiennent aussi autre chose. Tous les deux commencent avec le nom du propriétaire. Ensuite, ils ont des énoncés sur ce que fait Yahvé. Et ensuite, à la fin, on a la bénédiction sacerdotale. Donc, le premier amulette, vous avez ici la translittération. Je vous donne tout de suite la traduction. Donc, comme c'est un peu abîmé, il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours très, très clair, mais on comprend assez bien le sens. En bleu, c'est le nom du propriétaire, donc c'est un nom yahviste, hein, quelqu'un de Yahoo. Malheureusement, il manque le verbe. Et puis, on a tout un discours sur Yahvé, le grand Dieu qui garde l'alliance et la loyauté pour ceux qui aiment, probablement qui l'aiment ou qui aiment lui, et ceux qui gardent ses commandements. Après, on peut même imaginer qu'il y a une allusion au temple de Jérusalem, puisque certains reconstituent sa maison pour l'éternité. Bénédiction de tout piège et du mal. Vie en lui est la rédemption. Vie Yahvé est notre restaurateur, ou c'est lui qui nous fait revenir, et il est notre lumière ou notre rocher. Là aussi, difficile de savoir exactement. Et ensuite, que Yahvé te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sa face. Et donc, le reste, malheureusement, de cette première amulette est cassé. Mais c'est très intéressant, cette première partie, avant la bénédiction, parce que là aussi, pour cette première partie, nous avons un certain nombre de textes bibliques qui disent exactement la même chose. Donc, Yahvé qui est le grand Dieu, qui garde l'alliance et la loyauté pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Donc, ce que vous avez là dans le Deutéronome, dans le livre de Daniel, dans le livre de Néhémie, apparemment, cette formule est une formule de nouveau traditionnelle que les auteurs de ces textes reprennent à leur compte, mais ne l'ont pas inventé. On a toujours dit que c'est une formule typiquement deutéronomique, parce qu'on le trouve dans le Deutéronome. Maintenant, si on compare avec cette amulette, on doit plutôt dire que l'auteur du Deutéronome l'a repris, en fait, d'une tradition liturgique qu'il connaissait. Ensuite, on dit quelque chose que Yahvé est celui qui protège du piège du mal. Donc il y a une sorte de dualisme. Hein, Yahvé qui est en fait contre le mal. On trouve ça aussi dans le deuxième amulette. Et peut-être, en effet, si on suit Nadav Naaman, même peut-être la mention du temple qui devrait être subsistée pour toujours. Ensuite, Yahvé est appelé le Goël, le racheteur, le rédempteur. Donc un terme qu'on trouve notamment dans le deuxième Ésaïe, donc justement on est dans la même époque, époque perse, et dans des nombreux psaumes. Et ensuite Yahvé est la lumière. La lumière, évidemment, vous pouvez déjà penser à l'argent. L'argent ou l'or qui, en effet, est souvent considéré comme reflétant la lumière. Donc le fait déjà qu'on a cette bénédiction sur des lamelles d'argent va très bien en fait avec cette idée de Yahvé comme lumière. Mais ça s'explique aussi dans ce qu'on appelle souvent la solarisation de Yahvé. C'est-à-dire que Yahvé, à partir du 8e siècle, va prendre de plus en plus de caractéristiques qui sont ceux du dieu soleil. Donc on observe en effet dans le psaume 104 où Yahvé s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, où il déploie les cieux comme une toile, ou encore dans ce texte du livre d'Osée, où, en effet, la venue de Yahvé est comparée au lever du soleil, donc sa venue est sûre comme la venue de l'aurore. Regardons maintenant l'amulette 2. Donc là, de nouveau, on a d'abord le nom pour un tel, fils ou fille de, qu'il ou elle soit béni de Yahvé, le secours qui repousse le mal. Donc vous avez dans les deux cas cette idée que Yahvé repousse le mal. Et ensuite, que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse briller sa face vers toi et qu'il établisse pour toi shalom. Et après, c'était apparemment pas la fin, puisqu'il y a encore six lignes, mais qui malheureusement sont illisibles. Il y avait peut-être encore autre chose, c'est ce qu'on ne peut pas savoir. Donc là, comme dans le premier, cette opposition de Yahvé au mal, et on le présente comme étant le secours, la racine Hatzar, qui est utilisée ici, se trouve de nouveau très souvent, donc on est toujours un peu dans la même époque, dans le deuxième Ésaïe, dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, et ensuite dans les psaumes. Comme par exemple dans ce psaume-là, nous attendons Yahvé, il est notre secours, donc comme ici, notre bouclier. Maintenant, si vous comparez la bénédiction sacerdotale de nombre 6, 24 à 26 avec l'amulette de Ketefinom, qu'est-ce que vous constatez? Il y a une partie là, dans le texte biblique, qu'on n'a pas dans l'amulette. Donc, la fin du verset 25 et le début du verset 26. Ça manque, en fait, dans l'amulette. Alors, est-ce que ça veut dire, comme ont suggéré certains auteurs, que ça, on l'a ajouté après coup dans le texte biblique, au moment où on l'a repris, ce qui est une possibilité? Ou est-ce que le copiste de l'amulette était distrait et avait omis ça? Ça peut arriver aussi, les scribes, surtout si c'est un peu une fabrication industrielle, on peut imaginer aussi que les gens sont distraits. Ou, peut-être encore plus simplement, qu'il y avait peut-être une certaine liberté aussi dans l'utilisation de telles formes, qu'on n'était peut-être pas toujours amené à reprendre exactement la même formule, comme nous l'avons vu aussi dans l'autre amulette où c'est beaucoup plus court encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la lumière de ces amulettes, on comprend maintenant ce qui veut dire « ils poseront sur toi shalom ». C'est très simple, c'est-à-dire en fait ils prennent l'amulette et ils le mettent sur la personne. Donc c'est quelque chose de tout à fait précis, donc il ne faut pas chercher des explications plus symboliques, non ? Ils prennent les amulettes et ils le posent sur la personne. Donc poser le nom de Yahvé sur le fils d'Israël, donc leur remettre des telles amulettes ou les vendre, en effet, à ceux qui en font la demande. Donc c'est du coup aussi pas seulement un texte liturgique, c'est aussi un texte économique. Mais les deux choses vont toujours ensemble. Alors, les amulettes, donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas simplement donc, la protection contre les dangers de la vie quotidienne, c'est aussi après la mort, hein, puisqu'on les a laissés, en fait, dans le tombeau, bien que peut-être le tombeau n'était pas le premier but de ces amulettes, mais comme c'était le nom des personnes qui étaient sur les amulettes, on n'enlève pas. C'est comme aujourd'hui, souvent, on enterre les gens avec leurs bijoux, avec leurs alliances, etc. C'est un peu la même idée. Et cette idée des amulettes, bien sûr, on n'a pas fait de sondage, mais combien d'entre vous portez des petites choses autour de la cou ? Des étoiles, des croix, des mains de Fatima. C'est exactement la même chose. Donc, l'histoire continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Bien si souvent on n'est pas conscient tellement de cela, mais c'est un peu la même chose que ce que nous avons ici. Et donc, du coup, l'idée de ces amulettes, c'est en effet de solliciter une sorte de présence divine portative. Hein. Vous portez en fait cette présence autour de votre cou. Voilà. Et ces textes, en effet, sont les premières attestations extra-bibliques que nous avons d'une confession de foi en Yahvé. En dehors de la Bible, c'est vraiment, c'est pour cela que ces textes sont très intéressants, c'est vraiment les premiers textes matériels que nous avons d'une confession en Yahvé qui repousse le mal, qui protège et qui est celui qui bénit. Collège de France et France Culture vous présentent l'exégète philologue Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui le livre des nombres, la bénédiction sacerdotale et les amulettes de Kétaph Hinnom. Regardons maintenant encore un peu en détail le texte biblique. Donc, vous bénirez les fils d'Israël, ça fait allusion à ce qui était dit dans le livre du Lévitique. Et la bénédiction, en fait, c'est comme la malédiction. C'est ce qu'on peut appeler un discours performatif. Un discours performatif, ça veut dire c'est quelque chose qui se réalise au moment où vous le prononcez. Bon, aujourd'hui, on a un peu du mal à imaginer ça, mais c'est pour cela, dans l'Antiquité, prononcer une malédiction, surtout, c'est quelque chose de très grave. Parce que ce n'est pas simplement laisser libre cours à votre colère. Au moment où vous prononcez une malédiction, ben, l'idée, c'est que, en la prononçant d'une certaine manière, elle se réalise déjà. Surtout s'il est prononcé par des gens qui ont l'autorité. C'est pareil aussi pour la bénédiction. C'est souvent un supérieur qui bénit un inférieur. Un père qui peut bénir ses fils, un frère, sa sœur, le roi, évidemment, ses sujets. Ensuite, on a aussi quelques cas où c'est l'homme qui bénit Dieu, où en effet la bénédiction a déjà pris en fait un autre sens. hein, où c'est devenu la louange. Mais l'idée première, c'est plutôt les hommes qui bénissent et qui impliquent en fait Dieu dans cette bénédiction, notamment quand il s'agit des prêtres comme les Lévites dans le Deutéronome. Et ici, on a donc les Aaronides. Si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé en fait un peu des luttes de pouvoir entre les Aaronides et les Lévites. Et peut-être là aussi qu'on insiste sur le fait que c'est Aaron et ses fils, et non pas les Lévites, comme dans le Deutéronome, c'est peut-être aussi de nouveau une revendication du pouvoir des Aaronides. Que Yahvé te bénisse et te garde, c'est une formule dont nous avons aussi un parallèle dans les textes de Kuntilet Ashrut, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc Kuntilet Ashrut, cet endroit qui se trouve dans la péninsule du Sinaï, donc où on a trouvé toutes sortes d'inscriptions, notamment ici, donc cette bénédiction par Yahvé de Théman, Yahvé du Sud, hein, qui en effet dit qu'il, Yahvé, te bénisse et te garde, exactement comme dans le texte de Nombre 6, à savoir un vœu de bénédiction. Là, comme c'est une sorte de lieu d'arrêt pour des voyageurs, c'est peut-être aussi là avec l'idée qu'ils te bénissent lors de ton voyage ou lors des ennemis qu'on peut rencontrer très souvent quand on est en voyage. Alors, que Yahvé fasse briller sa face, donc là, je vous ai dit, c'est quelque chose de très anthropomorphique, mais quelque chose de très, très courant dans le Proche-Orient ancien. On a cette petite lettre de Ougarit où un prince raconte à sa mère qu'il a eu une audience auprès du roi Hittite. Et il dit « Que la paix soit avec toi, que le dieu de Ougarit te protège et te donne la pêche à la moue, que ma mère sache que je suis allé devant le roi Soleil, donc le roi Soleil, c'est déjà à l'époque hittite, hein, et la face du Soleil a brillé avec éclat pour moi. » Donc ça veut dire quoi ? L'audience s'est bien passée. Donc c'est une disposition favorable d'un supérieur ou d'une divinité. Comme le dit aussi le proverbe, « Quand le visage du roi brille, c'est la vie et sa faveur est comme un nuage de pluie printanière. » Accorder grâce, donc je vous ai dit, c'est une idée qu'on n'a pas dans les textes sacerdotales, qui peut en effet aussi justement exprimer cette disposition positive, mais aussi une intervention salutaire concrète. Que Yahvé porte sa face en ta direction et qu'il place sur toi shalom, donc nous l'avons déjà vu sur le placer. Porter sa face, ça veut dire regarder favorablement. Vous avez un autre exemple de manière négative dans ce qu'on appelle le Job babylonien, dans le Loulou Bel Nemiki, j'ai invoqué Dieu, mais il n'a pas levé sa face. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été favorable. Donc lever sa face veut dire favorable. Cacher sa face, ce qu'on dit souvent dans les psaumes de lamentation, pourquoi caches-tu ta face ? C'est justement l'opposé à lever sa face. Et donc le shalom, le but de toute bénédiction. Donc, ils poseront mon nom sur les fils d'Israël. Donc, c'est la conclusion sacerdotale qui est ajoutée par l'auteur donc, de Nombre 6 et qui, comme nous l'avons déjà dit, peut faire allusion à la vente des amulettes. Ils poseront mon nom sur les fils d'Israël, donc c'est mettre les allumettes, mais peut-être aussi l'idée que, du coup, c'est lui qui porte cette amulette, appartient en quelque sorte à Yahvé, comme le dit aussi Deutéronome 28, que tous les peuples du pays verront que le nom de Yahvé a été prononcé sur toi. Et tout à la fin, moi, je le bénirai, ça veut dire que le vrai auteur de la bénédiction est bel et bien Yahvé. Donc un texte, comme je vous ai dit, très important, dans le Siracide, on dit « Exauce la prière de tes serviteurs » selon la bénédiction d'Aaron à l'égard de ton peuple. Donc, texte du deuxième siècle avant l'ère chrétienne, qui montre l'importance déjà de cette bénédiction. Et si on croit la Mishnah, c'est que cette bénédiction, en fait, a été prononcée tous les jours par les prêtres officiant au deuxième temple de Jérusalem. Mais, comme je vous ai dit aussi, l'utilisation liturgique de ce texte ne s'est pas arrêtée. C'est un des rares textes bibliques qu'on reprend comme ça jusqu'à aujourd'hui, à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme. Je crois un peu plus dans le protestantisme que dans le catholicisme. Bien. Voilà, maintenant, nous avons donc terminé la première partie. Donc, je pense que ce texte est très important à cause de ce parallèle extra-biblique. Et je vous propose maintenant de commencer ce qu'on appelle le cycle de rébellion. Alors, le titre que j'ai choisi pour nombre 11, c'est « La chair ou l'esprit ». Vous allez voir qu'il y a quelque chose, en effet, qui va assez bien dans ce temps-là, puisque, en effet, ce premier récit de protestation et de rébellion pose, en fait, la question des conditions matérielles du peuple dans le désert. C'est, en fait, le premier récit, après qu'on a constaté ou a remarqué le départ du peuple du désert du Sinaï. Et donc, ce chapitre va ouvrir ce grand cycle de contestation, de rébellion, qui se trouve au milieu du livre des Nombres et qui vont jusqu'au chapitre 21. Nous avons déjà vu dans l'introduction que ces différents récits mettent en scène toutes sortes de contestations avec des acteurs et des enjeux différents. Ici, au chapitre 11, nous avons d'abord trois versets très généraux qui, en fait, ouvrent le cycle. Et ensuite, vient le premier récit qui, en fait, a deux thèmes. Le peuple demande la viande et Yahvé donne aux 70 anciens l'esprit. Donc, il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Alors, regardons d'abord cette ouverture qui est en fait un récit qui n'est pas vraiment un récit. Le peuple fut comme des plaignants. Cela fut mauvais aux oreilles de Yahvé. Certains manuscrits ont plutôt aux yeux de Yahvé, parce qu'on va retrouver cette expression un peu plus tard, probablement en harmonisation. Yahvé écouta et sa colère s'enflamma et brûla contre eux le feu de Yahvé. Il dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria vers Moïse. Moïse intercéda auprès de Yahvé et le feu baissa. On appela ce lieu du nom de Tavera. En effet, le feu de Yahvé avait brûlé contre eux. Est-ce que c'est une histoire ? C'est très résumé. C'est très résumé et c'est, comme je vous ai dit, le but de ce verset est de présenter un peu comme dans des ouvertures d'opéra toutes sortes de thèmes qui vont être développés plus en détail dans la suite. Donc on a d'abord le mécontentement du peuple, la colère de Yahvé, la sanction divine, ici par le feu, l'appel du peuple à Moïse, l'intercession de Moïse, grâce à laquelle justement la colère divine est gérée, réduite, et finalement l'étiologie du nom de l'endroit où cela s'est passé. Ce qu'on voit ici, dans ces trois versets, qu'au centre se trouve en effet l'intercession de Moïse, qui en effet est celui qui arrive à faire que la colère divine ne mène pas à l'annihilation totale du peuple. Dans ce texte de Nombre 11:2, on utilise la racine palal, ou hitpael, prier, implorer, et dans l'ensemble de ces récits de rébellion, cette même racine n'est utilisée qu'à tout à la fin, au dernier récit de rébellion, au chapitre 21. Donc ça montre de nouveau, en fait, cette volonté d'encadrer, donc avec nombres 11, 1 et 3, et le chapitre 21, 1 à 9, vous avez une sorte de cadre autour de ces récits. Et l'étiologie, l'étiologie en fait prépare déjà l'étiologie qui va se trouver à la fin du grand récit de nombre 11. Là, nous avons Tavera. À la fin, nous allons avoir Kivrot HaTava, à savoir les tombeaux de convoitise. Quant à Tavera, c'est sans doute, comme beaucoup de ces noms dans le livre des nombres, non pas des noms que les archéologues peuvent découvrir, c'est plutôt là une archéologie littéraire qu'il faut faire, parce que souvent, c'est des noms inventés. Inventés ici pour Tavera, qui n'apparaît qu'une seule fois en Deutéronome 9, probablement avec la racine Baar, brûlée. Donc la brûlure d'une certaine manière. Et ce qui est très intéressant, la racine Baar, Bet Ayin Resh, apparaît dans le Pentateuque pour la première fois ou dans le récit du buisson ardent, où Moïse voit le buisson qui brûle sans brûler. Il dit « il brûle, mais il ne brûle pas ». Alors, les traductions disent « il ne se consume pas », mais en hébreu, c'est la même racine. C'est la même racine. Il brûle sans brûler. Et donc là, c'est en effet une manière tout à fait positive de manifester la présence divine. Et ici, évidemment, c'est une présence divine qui est mortelle et qui peut être en effet simplement cadré par l'intercession de Moïse. Alors, regardons maintenant ce grand récit de nombre 11, 4 à 35. C'est un des récits de rébellion le plus long, qui, comme vous allez le voir, mêle deux thèmes. Alors, je vais vous faire la traduction, et vous pouvez déjà essayer de repérer quels sont ces deux thèmes. Il n'y a pas seulement les deux thèmes, il y a aussi des digressions, des ajouts, des contradictions. Donc après la traduction, je fais l'interrogation et puis vous me dites ce que vous avez retenu. Le ramassis de Jean qui se trouvait dans son sein, donc ça c'est déjà très bizarre parce que qui se trouve dans son sein, c'est pas tellement le début d'une histoire, retenez ça, fut saisi de convoitise. Et après, les fils d'Israël recommencèrent à pleurer. Mais dans le livre des Nombres, ils n'ont pas encore pleuré. Soit ça fait allusion à quelque chose qui se passait avant, ou alors, il faut lire avec la Septante et la Vulgate, ils s'assirent et pleurèrent. Parce que sur le plan consonantique, vous pouvez aussi vocaliser cette forme comme s'il vient du verbe yachav, s'asseoir. Alors, ils commençaient à pleurer, ils dirent, qui nous fera manger de la viande ? Nous nous souvenons du poisson que nous avons mangé en Égypte, gratuitement, des concombres, de l'herbe, des oignons et de l'ail. Il y a combien de viande là-dedans ? Peut-être les poissons. Et maintenant, notre vie s'assèche. Il n'y a rien du tout. Nos yeux ne voient que de la manne. Et la manne était comme la semence de coriandre, son aspect était comme l'aspect du bdellium. Le peuple se dispersait, il la ramassait, il la broyait au moulin ou il la pilait au pilon, il la faisait cuire dans une casserole, ils en faisaient des galettes et son goût était comme le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendit sur le camp la nuit, la manne descendait sur lui, donc sur le camp également. Moïse entendit le peuple en train de pleurer selon ses clans, chacun à l'ouverture de sa tente. C'est un peu, souvenez-vous, du conte dont nous avons parlé, nombre 1 à 4. La colère de Yahvé, vous voyez, comme ça a été annoncé dans les premiers versets, la colère de Yahvé s'enflamma, littéralement, c'est le nez de Yahvé qui s'enflamme, grandement, et aux yeux de Moïse, c'était mauvais. Moïse n'est pas d'accord. Moïse dit à Yahvé, mais là c'est bizarre aussi, parce que maintenant Moïse dit à Yahvé, pourquoi veux-tu du mal à ton serviteur ? C'est le peuple qui se plaint. Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux pour que tu m'imposes la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ou est-ce moi qui l'ai enfanté? Alors si ce n'est pas Moïse qui l'a conçu, là, c'est Yahvé apparemment qui l'a conçu. Donc Yahvé est plutôt ici comme une mère. Ça, c'est intéressant aussi. En effet, tu m'as dit, porte-les dans ton sein comme la nourrice porte le nourrisson vers le pays que tu as promis par serment à ses pères. Ça, il y a un problème logique de grammaire à l'intérieur de la citation, si vous voyez. Et c'est pour cela que plusieurs manuscrits disent en effet « vers le pays que j'ai promis par serment à ses pères ». Mais là, évidemment, c'est une manière de faciliter le texte hébreu. « D'où aurais-je de la viande pour la donner à tout le peuple, car ils pleurent contre moi, disant « donne-nous de la viande pour que nous en mangions ». Je ne peux, moi, tout seul, porter ce peuple. Oui, il est trop lourd pour moi. Si tu agis ainsi avec moi, alors fais-moi mourir, c'est Moïse qui parle à Yahvé, fais-moi mourir une fois pour toutes, si je trouve grâce à tes yeux, pour que je ne voie pas ta méchanceté. Donc là, c'est assez dur. Et là, c'est propre, parce que dans le texte massorétique, on n'a pas que je vois ta méchanceté, on a que je ne vois pas mon malheur. Et là, on a typiquement ce qu'on appelle un tikkun soferim, une correction de script. Donc vous savez que le Massorète a tellement respecté le texte reçu qu'ils n'ont pas intervenu, mais il y a une tradition qui dit, à 18 endroits, ils ont changé le texte. Et ici, probablement, c'est un des textes. Parce que imaginez qu'on accuse Yahvé de méchanceté, c'est mieux de dire que je ne vois plus mon malheur. C'est la même racine, il faut juste changer en fait le suffixe. Yahvé dit à Moïse, rassemble-moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, dont tu sais qu'ils sont les anciens du peuple, et ses scribes. Amène-les à la tente de la rencontre, et ils se tiendront là avec toi. Je descendrai et je parlerai là avec toi. J'enlèverai de l'esprit qui est sur toi. Je le mettrai sur eux. Ils porteront avec toi la charge du peuple. Et tu ne la porteras plus, toi, tout seul. Et au peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. En effet, vous avez pleuré aux oreilles de Yahvé en disant, qui nous fera manger la viande? En effet, c'était bien pour nous en Égypte. Yahvé vous donnera la viande et vous en mangerez. Vous ne mangerez pas un seul jour, ni deux, ni cinq, ni dix, ni vingt. Vous en mangerez jusqu'à un mois. Jusqu'à ce qu'elle vous sorte des narines et que vous en ayez la nausée, parce que vous avez rejeté Yahvé qui est au milieu de vous. Vous avez pleuré devant sa face en disant « Pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte ?» Donc ça, c'est le thème de la nostalgie d'Égypte. Moïse dit « 600 000 fantassins. » 600 000, vous vous souvenez aussi, hein, on a parlé de cela au premier cours. « 600 000 fantassins comptent le peuple au milieu duquel je me trouve, et toi tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeraient durant un mois. Si on immolait pour eux du petit et du gros bétail, cela suffirait-il? Si on rassemblait tous les poissons de la mer pour eux, cela suffira-t-il? » Surtout quand on est dans le désert, c'est un peu difficile de rassembler les poissons. Il avait dit à Moïse, « Le bras de Yahvé est-il trop court ? Maintenant, tu verras, ma parole se réalisera-t-elle pour toi, vie ou non ?» Moïse sortit et dit au peuple les paroles de Yahvé. Il rassembla 70 hommes, des anciens du peuple, ou des anciens d'Israël, selon certains manuscrits. Il les plaça autour de la tente. Yahvé descendit dans la nuée et il lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 hommes, les anciens. Et quand l'esprit se posa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Là aussi, c'est intéressant, parce que vous avez le choix entre « ils ne continuèrent pas » ou, si vous prenez d'autres manuscrits, ou le Targum et la Vulgate, « ils n'arrêtèrent pas ». Ce n'est pas la même chose. Ils ne continuèrent pas ou ils n'arrêtèrent pas. Ces deux racines hébreues différentes, il y a saf et souf, mais il suffit une toute petite vocalisation et ça change. Donc ça, Il faut voir ce que vous préférez. Soit ils ne continuèrent pas, soit ils n'arrêtèrent pas. Ce n'est pas évidemment la même idée sur la prophétie. Deux hommes restèrent dans le camp. Le nom du premier était Eldad et le nom du deuxième, Médad. L'esprit se posa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Le garçon en hébreu, courut et informa Moïse. Il dit « Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp ». Josué, le fils de Noun, le serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Mon Seigneur, empêche-les ». Et Moïse lui dit « Mais seras-tu jaloux pour moi ? Si seulement tout le peuple de Yahvé pouvait devenir des prophètes et que Yahvé mette son esprit sur eux. » Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Avant, s'était levé de la part de Yahvé. Il entraîna des cailles de la mer et le déversa sur le camp, sur une distance d'un jour de marche d'un côté et la distance d'un jour de marche de l'autre, tout autour du camp. Elles étaient comme deux coudées, 70-80 cm de hauteur, sur la surface du sol. Il faut imaginer le scénario. Le peuple se leva toute la journée, toute la nuit et toute la journée du lendemain et ils ramassèrent les cailles. Et celui qui avait collecté peu avait ramassé 10 homers, 300 à 400 litres. Ils les étendirent pour eux autour du camp ou peut-être ils les immolèrent selon certains textes de la Septante. La viande était encore entre leurs dents, elle n'avait pas été mâchée, que la colère de Yahvé s'était enflammée contre le peuple, et Yahvé frappa le peuple d'un très grand coup. On appela le nom de cet endroit Kivrot Hatahava, donc les tombeaux de la convoitise. En effet, là, on a enterré le peuple, ceux qui s'étaient pris de convoitise, et de Kivrot Hatahava, le peuple décampa pour Hatzeroth, et ils se trouvèrent à Hatzeroth. Voilà, une longue histoire. Les cours du Collège de France, vous venez d'écouter le 23 mars 2017 la série de Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui le livre des nombres, la bénédiction sacerdotale et les amulettes de Kétafinom. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Il a publié au Seuil l'Invention de Dieu en 2014 et chez Bayard en 2016 avec Albert de Purie et Conrad Schmitt, l'Ancien Testament commenté, la Genèse. Réalisation Anne Sécheret, présentation Mérine Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de l'exégète philologue Thomas Römer sa série intitulée Israël dans le désert, la chair ou l'esprit, deux récits de contestation. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.